j'ai plaqué ma tristesse pour une illusion. Et je traîne mon âme anarchiste et frivole aux quatre coins du ciel d'un bonheur sans raison. Et Saint-Pierre m'a dit, il est rond ma parole. À Saint-Germain-des-Prés, j'ai rencontré la Seine. Elle avait bonne mine à se tordre à mes pieds. C'était plein de brouillard et j'y biglais à peine. Un morceau de printemps, pas les tristes à pleurer. J'ai croisé le tapin de mon art poétique. Une muse, dit-on, elle a pas fait fortune. Ces bandes de salauds qui déballent boutique, ça traîne un pas tranquille à deux pieds de la lune. Devant un cinéma, j'ai rencontré Bardot. Je crois qu'elle m'a souri d'un sourire douteux. La vue de son corsage attire les badauds. Les femmes font la gueule et les hommes la queue. Passe des amerlots, on va causer dans l'art. Voyons un peu ce pic franche, moi je jaspine argot. Il a pigé que dalle, il est pas très bavard. C'est mal foutu quand même, on comprend pas un mot. J'ai monté sur la lune, ma bouteille à la main. J'ai trouvé le bon Dieu dans les bras de ma belle. Il lui faisait un Jésus pour le Noël prochain. Pauvre Joseph de Bois, j'ai fait des croix pour elle. Je suis rentré chez moi et j'ai claqué la porte. Et j'ai rêvé de quoi? De Bardot, d'Héricain. J'ai fermé ma boutique aux rues de toutes sortes. Et j'ai dégueulé seul ma rancœur dans un coin.